Cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. On continue la lecture dans notre deuxième cours de la risala de Cheikh Hamoud At-Twajiri rahimahullah tuhfatu al-ikhwan. Sur le fait d'aimer pour Allah et détester pour Allah. Taqaddam ma'ana fi dars as-sabiq, le premier chapitre. Al-Sheikh rahimahullah, il a cité des versets sur Tawalli al-Kafirin, sur le fait de prendre les kuffars comme alliés. Et on a lu ensemble, walillahi alhamd, les quatre premiers versets. Et on avait, fil haqiqa, cité des bases importantes pour comprendre hadha al-bab. Fi al-mualati wa al-mahabbat al-Kafirin, sur le hukm. Fa qui c'est qui résume? التفصيل كشغل بوزاني لا سيتي حفظه الله ما هو كنا سيتي انصام في شرح نواقض الإسلام التولي من أجل دينه يكون كفرا. نعم, ما معنى التولي؟ يعني أن يحبهم من أجل دينهم ومعاونتهم ونصرتهم. سيسا التولي, المعاونة والنصرة والقرب. سي سي بور لوغ دين, il les aide, il les aime, il s'entraide avec eux contre les musulmans pour leur din. Ayyadun billah, fala shakka hada, c'est de la mécréance. Na'am. Wa tawalli min ajli ad-dunya ka qissat Hatib ibn Maltaha. Na'am. Fa hada ithmun kabir walakinahu la yasib bihi ila hadikum. Amma si ils s'entraident ma'ahum, lakin c'est pas pour leur din, c'est pas contre les musulmans, lakin c'est pour une maslaha, pour de l'argent, pour autre quelque chose de dunya, là c'est très très grave, c'est un grand péché, lakin ça fait pas sortir de l'islam. Cette base elle est très très importante. Limadha li'anna on vit à une époque comme taqaddam ma'ana, deux extrêmes. Un extrême qui donne aucune importance à ce bab. Fa'iyadan billah yuwaluna al-kafirin, bal ils pensent que leur dîn il est sahih comme le nôtre, il faut s'unifier, on est tous des frères. La shak hadha dhalalun mubin. Et tu as un autre extrême maintenant, ils ont exagéré bihad al-bab. Chaque chose qu'ils voient, chaque relation qu'ils voient entre musulmans et kafir, ils pensent que c'est mina at-tawalli al-gufri, al-mukhrij min al-milla. Alors que c'est pas comme ça, là il y a un tafsil. Fa-ba'duhum madalan, ils pensent que si un pays musulman il a des relations avec un pays de kufr, fa-indahum, ils disent que le gouverneur c'est un kafir. Limadha li'anna hadha c'est mina at-tawalli. Hadha c'est batil. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait sulh avec les mouchriquins, sulh al-Hudaybiyya. Il a fait un pacte, un sulh. Est-ce que hada c'est min at-tawalli? Na'oudou billah, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Si l'amir, il y a une hikmah, il y a une maslaha plutôt, annahu, il doit faire un pacte avec ha'oula, ou le commerce min babi ha'oula, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait avec le kuffar. Enfin, tout cela, c'est pas min at-tawalli qu'on parle l'an. Bal hatta الاستعانة بهم بالكفار في حال الضعف contre un adou, alors que ces musulmans ne peuvent pas repousser ce adou avec autre chose, c'est pas min at-tawalli. Pourtant ils vont combattre probablement un qawm min al-muslimin, comme حصل في فتنة الخليج, quand le Mamlaka al-Arabiya al-Saoudia, ils ont failli se faire envahir par Jaysh Saddam à l'époque. حزب البعث لا شك أن هذا الحزب سيدي كفرة. On parle pas de Saddam. Saddam حاله il est mort, Allah أعلم. Là on parle de à cette époque. فالسعودية, vu que le جيش à cette époque العراقي, ils avaient de la قوة et tout par rapport à l'Arabie Saoudite, avec des fatwa من أهل العلم, ils ont demandé l'aide à certains kuffars. لا شك أن أئمة الدعوة في ذلك الشيخ بن باز والشيخ محمد أمان والشيخ بن عثيمين رحمه الله, ils ont accepté هذا, بل سيكون في الفتاوى أنه سيبا من التولي. لماذا؟ لأنهم سيبا من باب محبة الكفار, سيبا من باب ديتست المسلمين, لا سي من باب الدفاع. C'était pour repousser le mal de هؤلاء الظلمة, qui avait déjà envahi certains pays et ils voulaient venir avec le مملكة. هذا pour vous dire أن هذه المسائل ترجع إلى العلماء أولا, et ثانيا pour comprendre, لأن on doit comprendre, on a des versets du Coran al-Karim في هذا, on doit comprendre هذه المبادئ المهمة que Cheikh Hamoud cite, et on essaie de clarifier avec le kalam d'autres savants. Cheikh al-Islam le Taymiyyah رحمه الله, il a un kalam mufid. Naqra, avant de continuer, qala al-mu'min rahimahullah kama fi majmou' al-fatawa al-mujallad al-thamin wal-ashrin, le volume numéro 28, qala rahimahullah al-mu'min alayhi an yu'adi fillah wa yuwali fillah fa in kana hunak mu'minun fa alayhi an yuwalih wa in zalama fa inna al-zulm la yaqta' al-muwalat al-imaniyah. Ta'ammalu hadha al-kalam. Chaque mu'min doit aimer son frère mu'min. Innama al-mu'minuna ikhwa. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. On doit s'aimer entre frères. Qala Sheikh al-Islam fa in kana hunak mu'min fa 'alayya an yuwalihi wa in zalama. Même si ce mu'min il est injuste envers toi, ça ne fait pas que tu dois le détester à la kulli hal. Il y en a, ça reste un mu'min. Qala la yaqta' al-muwalat al-imaniyya. Bien sûr qu'on va lui reprocher de t'avoir fait de l'injustice. Bien sûr que tu vas mal le prendre cette injustice. Bien sûr que tu vas détester le fait qu'il est injuste envers toi. Belle, tu vas le détester quand il est injuste envers toi. Lakin, tu ne vas pas le détester à l'itlaq. Les ma'adaliyana, ça reste ton frère mu'min. Thumma qala rahimahullah. Wal kafir. On retasse le kalam. Le kalam, il est long. Le kalam, il est long. Wal kafir. Tajib mu'adatuhum wa in a'taq wa ahsana ilayk. Mais le kafir, tu dois le détester même s'il te donne et même s'il a un bon comportement avec toi, même s'il a un bon comportement avec tes parents, même si c'est ton voisin, même s'il te passe le bonjour, il a un khir, tu dois le détester. C'est ce qu'on a cité ensemble dans le dars précédent. C'est passionnant. Mais si on pense qu'à nous, et hadhihi al-mahabba wa hadha al-bughd li plus villa, si un musulman il te dit quelque chose que tu n'aimes pas ou il est vraiment injuste envers toi, tu vas le détester comme si c'était un kafir. Et si un kafir il te fait pas de mal, bal yukrimuk, il te donne, il t'aide, il est respectueux, robama dans ton cœur mahabba tadkhul, et tu l'aimes, et c'est haram. Yani tu n'as pas le droit d'aimer un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal kuffar jami'an, c'est des ennemis d'Allah. Et tu n'as pas le droit de détester un mu'min أي بغض كل من كل جانب. Pourquoi? Parce que c'est un abdillah azza wa jalla. Et Allah subhanahu wa ta'ala il aime jami' al-mu'minin. La shak anna al-mahabba tatafawat. Lakin on parle al-asl. Hada c'est très très important. Kadhalik qala rahmatullah alayhi kama fi al-istiqama wilayatullah muwafaqatuhu bi an tuhib ma yuhib wa tubghid ma yubghid wa tukrih وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوالي من يوالي وتعادي من يعادي. C'est ça الولاء الولاية أو أن المؤمن سأولي لله. قال on répète وولاية الله. C'est quoi ولاية الله? Chaque مؤمن سأولي لله par rapport à son iman. لكن بعضهم ils ont un ضعف, بعضهم ils ont moins de ضعف, بعضهم ils ont de la قوة في هذا الباب. C'est quoi? Tu dois aimer ce que Allah il aime. Est-ce qu'Allah il aime les croyants? Même si ce croyant il a des faiblesses, même s'il t'a mal parlé, si c'est un croyant, Allah il l'aime par rapport à son iman. Même si on ne l'aimera pas comme les savants, comme les compagnons, radiyallahu anhum, comme les gens purs, lakin ça reste un mu'min, enfin, on lui doit une part de cette mahabba, de cet amour. Limada li anna c'est un mu'min. Mais si on pense qu'à nous, on suit nos passions, on est égoïste, ça sera par rapport à nous. Il est gentil avec moi, je l'aime. Il est pas gentil avec moi, je le déteste. Iyadam billah. Même si c'est un wali min awliya illah. Qala wa tubghid man yubghid. Est-ce que Allah il déteste les kuffars? Ma adhun un muslim il va dire la. Sauf vraiment, iyadam billah, à notre époque c'est pas ba'id. Ba'd al munharifin ou al juhal. Qui connaissent pas leur dîn, ils peuvent, au nom de l'humanité, ila akhir, ils ont des aqwal ajiba. Mais celui qui connaît un minimum son dîn, Allah il déteste les kuffars. Et on a lu ensemble des preuves, et tout ce livre, vous verrez beaucoup de preuves. Allah il déteste les kuffars, on les déteste. Tu détestes ce qu'Allah il déteste. Wa tuwali man yuwali. Allah subhanahu wa ta'ala waliyu alladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala yatawalla al-mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala ilame al-mu'minin wa yansuruhum. Et il les aide, wa yuwaffiquhum, fa anta, tu dois prendre comme alliés les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tu'adi man yu'adi. Et tu dois détester, prendre comme ennemis les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas leur faire confiance, ne pas se mélanger à eux le plus possible, tant que tu peux. Et cette risala, inshallah, c'est pour expliquer ce dernier point. أي الولاء والبراء. وقال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء إلى غزمة هذه المسائل كلها إن فخاد، فالولاية هي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومصاخته. C'est ça الولاية. C'est pas autre chose. الولاية c'est quoi? Si on veut des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit de prendre un wali من الكافرين. فقال فالولاية هي عبارة عن موافقته أو موافقة الولي الحميد أي الله سبحانه وتعالى في محابه ومصاخته أي سك الله إلا من دوال زمي سك الله دتست من دوال دتست سلوي كي حقق هذا فإن شاء الله تعالى فسأولي لله سبحانه وتعالى أي لبخالف في هذا الباب العظيم. ça c'était certains points qu'on voulait rajouter pour que tout le reste du livre, inshallah, ça soit clair. Pourquoi on a insisté au départ? Ce sujet, c'est un sujet sensible. On répète. كثيرون من الناس se sont égarés في هذا الباب. فالحقيقة, tu trouveras ceux qui sont على الحق في هذا الباب. C'est أهل السنة. إما les autres, إما تفريط أو إفراط. إما de l'exagération, إما du laxisme. إما le côté des خوارج, Daesh, ceux qui exagèrent, enfin, au nom de leur haine envers les kuffars, ils sont injustes, ils font des attentats, des tueries, tu auras tout cet égarement. Al-Qaïda, Al-Khawarij, Daesh, Al-Aghri, c'est tous des Khawarij. Et même tu auras l'autre extrême, Iyadam Billah. Al-Haqira, ils ont voulu réfuter l'autre extrême, ils veulent se désavouer de l'autre extrême, mais ils ont exagéré. Kadhalik. Ils ont exagéré dans leur tolérance, leur respect, l'amour, l'humanité. هؤلاء يبفلو دير اون ديتست الكفار سي امبوسيبل الا ان يشاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان قلوبهم زاغت في هذا الباب. فتتخوغ جميع اهل الاهواء كسوا الصوفيه كسوا الروافض كسوا الخوارج كسوا الاشاعره كسوا نتخبك الاخوان التبليغ الاحبش اما دير اكزاجيراسيون يسوا مع الخوارج اما عياذا بالله تميع وضلال يسوا مع Ashab qui appelle à unifier les religions, il ne faut pas critiquer les autres, la tolérance là. Amma sunni, et le haqiqa, sunni, tu peux le reconnaître avec ce point, annahu, il est juste. Al-hubbu billah wa al-bughdu billah. Yuwali al-mu'minin yu'adi al-kafirin. Sans être injuste. Ida'uhu lil-kuffar, c'est pas avec des tueries, c'est pas avec des attentats, abdan. Il les déteste billah, il ne se mélange pas à eux. Et il ne leur fait pas confiance. Amma hakada tasarrufat shakhsiya, des choses personnelles, hada une tuerie, hada un attentat, ça ne fait pas partie de notre din abadan. Qala Cheikh Hamoud rahimahullah, qultu wa aqallu al-ahwal fi hadhihi al-aya, annaha taqdi tahrim muwalati a'da'illahi ta'ala, wa in kana adh-dhahiruha يقتضي كفر من تولاهم. ولهذا روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا ونصرانيا وهو لا يشعر. وتلا هذه الآية أي قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن عتبة رضي الله عنه ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا ونصرانيا وهو لا يشعر. لمم أثر Le premier, قال في الحاشية الدر المنثور لنعم للسيوطي إلا عبقتي. Le deuxième, تفسير ابن أبي حاتم. كثير من المفسرين يغطوخ هذه الآثار كساسوا عن حذيفة وعن عبد الله بن عتبة. فنعم على التفصيل السابق sur le حكم. أما الصحة على الشين de transmission فسا demande de recherche فالله أعلم. أما هنا ils ont pas cité est-ce que c'est صحيح أم لا. ثم قال وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قلت لعمر رضي الله عنه إن لي كاتبا نصرانيا قال ما لك قاتلك الله أي على بقد عمر رضي الله عنه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى أنصي عمر أنه إلى كاتب نصراني الكاتب C'est celui qui écrit. Il travaillait pour Abu Moussa. Et c'était un chrétien. قال مالك قاتلك الله. Inkar min Umar. Umar, il lui a reproché. Pourquoi tu as pris هذا النصراني? ما سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ألا اتخذت حنيفة الحنيف هنا أي الموحد المؤمن الحنيفية ملة إبراهيم أي التوحيد دونك عمر رضي الله عنه يقول لي pourquoi tu n'as pas pris un مسلم قال قلت يا أمير المؤمنين لكتابته وله دينه أبو موسى il a répondu moi je profite de son savoir-faire et lui il a son dit. فقال عمر لا أكرمهم إذا أهانهم الله ولا أعزهم إذا أذلهم الله ولا أدنيهم إذا أقساهم الله. Ça nous montre la choc en celui خاصةً qui est comme cet exemple qui est responsable, c'est lui qui a besoin de quelqu'un et il a le choix entre un kafir et un musulman. فلا شك أنه il prend le musulman. خاصةً si les deux ils sont au même niveau dans le savoir-faire il a akhir. فلماذا laisser le musulman et prendre un adou min a'da illah, même s'il a un bon comportement, même s'il travaille bien, si tu as la même chose dans un musulman, ne laisse pas ton frère musulman. Ton argent que tu vas la donner, c'est mieux que tu donnes à ton frère musulman. Et ton frère musulman, c'est un vide, mine. Surtout si c'est un musulman de confiance. C'est un vide, mine. Tu vas lui passer le salam, il va te répondre le salam. Rubbama yansahuk, rubbama tu fais salat al-jama'a ma'a. Et kadhalik, tu lui donnes cet argent et ton cœur, wallah, alhamd, il est apaisé. C'est un musulman. Fala shakana hada, c'est afdal. Et dans ce cas, c'est al-ma'mour bih, comme a qala Umar. قال في الحاجية عزاه الإمام ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة لعبد الله بن أحمد عن أبيه أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ولم أقف عليه في المسند. نعم دوك هذا الأثر إلي با في المسند. قال ولكن أخرجه بنحوه البيهقي الإمام في الكبرى أي السنن الكبرى وفي شعب الإيمان وصححه الإمام الألباني في الإرواء. دوك الشيخ الألباني إلى أوتنتيفي هذه القصة. قال وورد على عمر رضي الله تعالى عنه كتاب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. أما بعد يا أمير المؤمنين أي ça c'est une lettre que معاوية رضي الله عنه il envoie عمر. يا أمير المؤمنين فإن في عملي كاتبا نصرانيا لا يتم أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك. Ce Nasrani, الآن, il avait une place importante. لا يتم أمر الخراج إلا به. Donc, il avait des informations et il avait une place importante. فمعاوية رضي الله عنه, il voulait, ou il a demandé à عمر. فكتب إليه. Et ça montre une faïda عظيمة, le fait de revenir dans ces مسائل عظيمة à أهل العلم. بل عمر رضي الله عنه ستأمير المؤمنين استيبوك أن هذه الأمور سعوبين أولاة الأمور سعوبين أهل العلم. قال فكتب إليه عافانا الله وإياك قرأت كتابك في أمر النصراني أما بعد فإن النصراني قد مات والسلام. هذا من قوة عمر رضي الله تعالى عنه. أما بعد فإن النصراني قد مات والسلام سيأتي معنا أي tu as lu cette lettre, fais comme s'il était mort. Wassalam. Et remplace-le. Hakada, ils ont préservé leur din. Nous, ce qui nous fait du mal à rien, c'est les comment, si, pourquoi. Ça y est, si un musulman. On peut se poser ce genre de questions. Un frère, il l'a posé d'ailleurs. On peut se poser ce genre de questions. Tu as plusieurs cas, al-haqiqa. Si tu es dans un pays musulman, alhamdulillah, tu vas trouver la plupart des musulmans. Tu auras les kofars, ils sont très très peu. Enfin, alhamdulillah, en général, tu travailleras avec des musulmans. Comme mon frère qui sont avec nous, l'un, certains ils travaillent, c'est contre musulmans. Alhamdulillah, on n'a pas ce problème. Beaucoup ce problème, il arrive l'un, vibilad al-kufr. Un frère, il va ouvrir une entreprise, et peut-être que les frères, ils sont pas sérieux, ou les frères, ils sont pas nombreux, ou les frères, ils ont pas de savoir-faire. Et Obama, il est contraint de embaucher un kafir. La solution, elle n'est pas dans le travail, la solution, elle est dans le pays. Ya akhi, préserve ton din, fais des efforts pour partir, et inshallah, tu verras qu'avec les hijras, beaucoup de ces problèmes, la porte, elle est fermée, bi'idnillah azza wa jal. Combien de questions, combien de problèmes les frères qui vivent en France ou autres, ils sont confrontés tous les jours, que Al-Muslimoun, les frères qui vivent dans des pays musulmans, alhamdoulilah, ils n'ont plus ce problème. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de problème, il y a des choses. Mais au moins, certaines choses, si tu ne peux pas, tu n'es pas responsable. Mais il y a là. Si l'insan vit avec le kuffar, le problème, ce n'est pas de travailler avec tel kafir ou embaucher tel kafir. Le problème, c'est vivre avec le kuffar. Et Cheikh Hamoud, rahmatullah alayhi, dans ce livre, il a cité cette mesala. Il y en a, c'est lié. Il y en a, si tu détestes vraiment un peuple, tu auras beaucoup de mal à vivre avec eux. Wallahi, même si yakubun alayk le mal, yasubun alayk le mal, sabban, même s'ils versent de l'argent sur toi, c'est pas ils te donnent leur moussa'adat qalila. Là, même s'ils te versent des millions, si tu les détestes, tu as du mal. Tu as remarqué que quand tu es avec quelqu'un que tu n'aimes pas, tu as du mal à rester avec lui. Tu as du mal. Quelqu'un qui t'a fait du mal, qui a fait du mal à tes parents, moi, il y a quelque chose, tu as du mal. Le qalb y a nufra. Tu sens du rejet, lui va être mal à l'aise, toi tu vas être mal à l'aise, très vite vous vous séparez. Enfin, normalement, le mu'min, le mu'ahid, qawi, l'iman, hunak, c'est comme ça. Son cœur, il ne peut pas, khalas. Lakin, on a des faiblesses. Wala shak, et via d'albab, kama taqaddam ma'ana, on s'entraide. On s'entraide et on conseille nos frères de faire des efforts. Et celui qui a des questions, nous, on ne détaillera pas, on a c'est du cas par cas, et ça revient à ahlul ilm. Mais celui qui a besoin de travailler, il a une entreprise et doit faire travailler quelqu'un, il demande au savant et inshallah il aura une réponse fondée sur ad-dalil. Il y en a, chaque question elle a besoin de shaymin al-tafsil, les détails, pourquoi, est-ce que tu peux trouver un autre, est-ce qu'il n'y a pas un musulman qui a du savoir-faire, est-ce que ce kafir il va pas te faire du mal, il est de confiance, les choubas, tout ça, enfin, ça revient à ahlul ilm. Qala rahimahullah يعني يقدر موت هذا النصراني هذا قوله أما بعد فإن النصراني قد مات والسلام أي عمر رضي الله عنه إلى مي هذا النصراني بمنزلة الأموات صحيح الكفار يصبح بمنزلة الأموات c'est comme s'ils étaient morts فإلى دي معاوية قد مات mais le comme s'il était mort أي مثلا demain il doit venir travailler فمتوا comme si demain خلاص t'as appris qu'il était mort. Donc cherche un musulman, mets-le à sa place et éloigne هذا النصراني. قال وهذا أو قبل هذا نعم فما كان معاوية صانعا بعد موته فليصنعه الآن. Est-ce que معاوية il allait faire s'il aurait appris la mort de ce chrétien, qu'il le fasse tout de suite. قال وهذا أمر من عمر رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه بإبعاد النصراني وتولية غيره من المسلمين مكانه من غير مراجعة وإخبار له بأن المسلمين في غنية عن أعداء الله ولو كانوا في الحق والضبط ما كانوا صحيح la plupart des cas tu trouveras que tu peux te passer des kuffars. Ça arrive certains cas et les ulama ils autorisent هذا certains cas مثلا بعد dans certains pays musulmans il y a des choses il y a que les kuffars qui maîtrisent ce qui est lié à l'aviation, ce qui est lié à l'armement, ce qui est lié à au domaine de l'hydrocarbure, tout ça, certaines choses, c'est les kuffars qui maîtrisent. Hada yajouz. Lakin al-kafir, il vient vivre le musulman et il est madloul, il n'a aucun poids, et il fait son travail, il est payé et il part. Hada la shak annahu, c'est pire. Dans la plupart des cas, khasatan à notre niveau, les petits commerces, en général, tu trouveras des frères. Et alhamdulillah, les frères, fihim khayr. Même si certains, ils sont pas sérieux, même si certains, ils ont un manque de savoir-faire, l'insan yasbir. Et quand on conseille les frères, ils soient sérieux, ils sont arrivés à ce niveau. Il y a des patrons d'entreprise parmi les frères, parmi les musulmans. Il a du mal à prendre un frère et il pense à prendre un kafir. L'heure, c'est l'heure. Quand ils travaillent avec des frères, ils se laissent aller. Vu que c'est un frère, il a arrêté, il se laisse aller. L'heure, la ponctualité, c'est plus trop ça. Le sérieux, c'est plus trop ça. Là, le sérieux que tu as avec le kafir, normalement, ça doit être plus avec ton frère. Léana, c'est akhouk. Billah Azza wa Jal. Tout ça, vous avez remarqué, ça revient à taqwa. Si on fait tous des efforts, inshallah, on n'aura plus de problème. Et on patiente. On patiente sur nos frères. Entre nous, là, vous. Qala. Wa fi qawli Umar radiyallahu ta'ala anhu dalil ala annahu la yajuz lil muslimin an yuwallu fi a'malihim ahadan min a'da'i Allah lian fi dhalika ikraman lahum wa 'izazan wa idna'an 'an min ad-dunu wa huwa khilafu ma shara'ahu Allah min ihanatihim wa idlalihim wa iqsa'ihim. تأملوا هذا الكلام القوي. الشيخ حمود رحمة الله عليه هو بقولي أن كلام العبر تستفيد من هذا أنه لا يجوز حتى في حتى في في الأعمال. صحيح. Si tu peux faire avec les musulmans, فلماذا faire avec des kafirs؟ والله المستعان. Et on répète أن ceux qui ont besoin d'une question في هذا certaines choses c'est du cas par cas فإي demande. قال ثم قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض أي شك وريب ونفاق. هذا الكلام c'est par rapport à un groupe عيادا بالله qui sont malades كما قال عز وجل في قلوبهم مرض. Ils ont un comportement avec les ennemis de l'islam. La première partie, il a cité Mouqif al-Mu'minin, les paroles de Omar qu'on vient de lire, radiyallahu anhu, Qouwa. Hakada al-Mu'min, il doit être envers le kafir, sans être injuste. Lakin Qouwa wa Izza, on est fier de notre dîn, on ne fait pas de concession, on ne se rabaisse pas, abadan. Ça y a-t-il ma'ana, et avec le Mu'min, et on pardonne kathiran, et on ferme les yeux sur beaucoup de choses, et on est modeste, il a akhir. Ça y a-t-il hada al-bab. وهنا رحمة الله عليه إلى ستة سبيرس avec l'explication d'Ibn Kathir. قال يسارعون فيهم أي هؤلاء المرضى فترى الذين في قلوبهم مرض. هؤلاء ce groupe qui est malade أي شك وريب ونفاق. Ils ont des doutes et de l'hypocrisie عيادا بالله. يسارعون فيهم أي في الكفار. قال أي يبادرون في موالاتهم وموادتهم بضم الميم المودة بالفتح وموادتهم سيكون الموالة أي هنا سينفعل سينفعل هنا لكن اسم فاعل أي سمونتر اون اكسيون موادتهم أي il leur donne de l'amour. قال في الباطن والظاهر يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يسارعون فيهم أي ils se précipitent. Et tu le vois هذا عيادا بالله jusqu'à aujourd'hui أن البعض والله si voit واحد en apparence son apparence c'est sunna. فبعضهم ربما ils ont honte de l'approcher et de lui parler l'akhir. خاصة عند الكفار. لأن الكفار ils détestent هذه الصورة et ils détestent ces personnes qui font apparaître l'islam. فتو تخوف بعض المرضى عيادا بالله أصيبوا بالنفاق أو بالضعف أو بالجهل. Ils ont de la répulsion. Ils sont pas, ils s'écartent quand ils voient un groupe de frères et l'akhir. Et tu les trouves yusari'ouna fihim fil kuffar. Ba'dhum ils exagèrent iyadun billah. Au nom du respect ila akhri, hatta ils se rabaissent et tu trouves le kafir yatakabbar alayhi et illuminé et tu le trouves huwa iyadun billah, il se rabaisse. Tu le vois hada beaucoup عند الكفار au travail. Certains musulmans comme ils se rabaissent iyadun billah. Limadha qala azza wa jalla yaquluna نخشى أن تصيبنا دائرة. سأسأل كوز. قال ابن كثير أي يتأولون في مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر أو من ظفر الكفار بالمسلمين أو من قال فتكون لهم أياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك عند ذلك عيادا بالله. Un manque de توكل, une faiblesse, سوء الظن بالله عز وجل. كأن سكفر سلوي كي فاليدي أي سيا كلك شوز يقولون نخشى أن تصيبنا الدائرة أي سيا يعيب كلك شوز سكفار يزون دوزيو فهو يبنس على بخي يبنس على بخي حتى سكفار peut-être يبون لي يترتيل يبغي ليدي. أين الإيمان بالله, أين التوكل على الله؟ قال فينفعهم ذلك عند ذلك. قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. تسع عقيدة المؤمن فعسى الله أن يأتي بالفتح. N'est pas peur. Allah سبحانه وتعالى est capable de tout, il t'éprouve فقط. Ne place jamais ta confiance en autre qu'Allah. Ne te rabaisse jamais عند كافر. Ne fais pas de concession sur ton دين. لأن ce كافر والله quoi que tu fasses. Et on a tous entendu هذا. بعض الناس essayent de se rapprocher, de les satisfaire, des concessions de leur dîn. À la fin, tant qu'il te reste une petite odeur, que tu es un musulman, il s'en fiche. Un peu d'islam, Wallah, il te le fera remarquer et pour lui, tu resteras un musulman qui déteste. Hala, faut pas l'oublier. Ils sont comme ça, hum. Ceux qui reconnaissent le ma'rouf, c'est le muslimin. Ceux qui patientent, c'est le muslimin. Ton frère, na'am, il n'oubliera pas le khayr. Amma, un kafir, il t'utilise, faqat. Comme il y en a, ils ont fait des concessions au travail, pas de salat. Wallahi, ba'aduhum, ils sont dans une entreprise, matalan, il y a plusieurs muslimins, et ils critiquent son frère vers le patron, vers le responsable. Khasatan, si son frère, il fait salat, il a une apparence de muslim, il le critique. Il pense que la, le fait de critiquer son frère, ça va lui donner une place, indaha del kafir. Yom min al-ayyam, quand le patron n'a plus besoin de ce musulman, il le renvoie à Obama avant le frère. Limada tout ça. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas le kafir qui donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a éprouvés avec haoula faqat. قال الآية الخامسة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وهذا نهي من الله تبارك وتعالى عن موالاة أعدائه من أهل الكتابين أي اليهود والنصارى وغيرهم من سائر الكفار كما قال الدرس أن سنغلب جميع الكفار. On déteste les juifs, on déteste les chrétiens, on déteste les bouddhistes, on déteste les mouchriquins, on déteste les rawafid. Les ma'adha, les annahum, c'est tous des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Falihada qala azza wa jal, min alladhina utul kitab min qablikum wal kuffar. Ça englobe les gens du livre et tous les autres kuffars. Qala, wa ikhbaran minhu ta'ala bi anna mualatahum tunavi al-iman, walihada qala ta'ala, wa attaqullahi in kuntum mu'minin. على التفصيل السابق si c'est موالات من أجل الدين فça, bien sûr ça annule la foi complètement, c'est du kufr. Et si c'est موالات من أجل الدنيا ça fait diminuer l'Iman. قال أبو جعفر بن جرير في تفسير هذه الآية لا تتخذوهم أيها المؤمنون أنصارا وإخوانا وحلفاء فإنهم لا يألونكم خبالا وإن أظهروا لكم مودة وصداقة. تستفيد من هذا أن نفي jamais confiance à un كافر. Et كذلك, toutes ces choses, en حقيقة, ceux qui ont vécu في بلاد الكفر en France ou autre, lire ce livre, en حقيقة, ça va leur rappeler beaucoup de choses. Le كافر aujourd'hui, surtout le domaine de l'emploi, c'est surtout dans les entreprises, la أخيرة que les frères, ils les côtoient. أما الحمد لله, beaucoup de frères, ils ne les côtoient pas. Dans leur ville, ils vont au masjid, ils restent entre frères, ils les voient pas beaucoup. Lakin, le domaine de l'emploi, tu le vois beaucoup, hada. Anna wahid, il vient, il te parle, le sourire, il a akhiré, il fait croire qu'il te respecte. Du jour au lendemain, il change. Plus de bonjour. Ou du jour au lendemain, t'entends un autre, il dit, Allahou, il a dit ça sur toi, il te critique. Ils sont comme ça, hum. Léana, c'est quoi qui aide l'insan à être juste, à être droit, à ne pas trahir cette dîme? Et eux, ils n'ont pas de dîme. Enfin, eux, c'est que le maslaha. Et vu que Al-Kuffar, c'est min Allah al-Khalqillah, Jubana, ils n'ont pas de courage. Ou yakhafoun min al-Muslimin. Enfin, en face du muslim, des grands sourires, il a akhiré. Ou min khalfih, va kalamun, wa ta'nun, wa sab. L'insan, il fait attention, ne fais pas confiance à haoula. Et d'abtalak Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah t'a éprouvé, tu vis avec eux, et tu as besoin de travailler, fais travailler, ne leur fais pas confiance. Fais des efforts pour trouver un travail avec des musulmans. Si tu peux pas et tu travailles avec eux, va travailler. Ne te mélange pas au travail. Fais ton travail. Le travail, on n'est pas là pour parler, pour faire des amis. Fais ton travail et dès que tu as fini, rentre chez toi. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala niyafta alayk. Et si tu travailles, mets de l'argent de côté. Cet argent, fais dans ton cœur que ce soit une niya pour pouvoir quitter haoula. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste et il t'aidera, akhil karim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.